بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا إخوة، نحن دخلنا في أي قسم من أقسام الحديث يا أبا زكريا؟ الحديث الصحيح، أحسنت. وما هو الحديث الصحيح؟ أيوة أحسنت، هو الحديث الذي اتصل سنده، تمام. نعم، عن يعني عن العدل، عن العدل، طيب التام الضبط، العدل التام الضبط. Ça, ça fait, c'est la troisième des conditions pour qu'on dise que le hadith il soit sahih, que le sanad, la chaîne de transmission, elle soit liée, elle ne soit pas interrompue, taïb, que les rapporteurs de la chaîne de transmission ils soient tous mala, ils soient tous dignes de confiance, et qu'ils soient tous mala, qu'ils soient tous qualifiés comme étant une excellente mémorisation. Ça veut dire si il y en a un dans la chaîne de transmission qui est qualifié du mot matalan lin fi lin, يعني يعني il apprend mais يعني fi lin يعني mouyoula, il est pas, c'est pas encore qawi, c'est pas fort. Là le hadith il devient quoi? Il devient hasan. Juste avec, si tu trouves un seul dans la... Et tout ça, en vérité, ça vous amène à prendre conscience de l'importance du sanad. L'importance du sanad. وَكَانَ بَعْدُ السَّلَفِ يَقُولُونَ السَّنَادُ مِنَ الدِّينِ. Le sanad fait partie de la religion. Et c'est une chose, le sanad, la chaîne de transmission, ça fait partie des khasa'es hadad-din. Ça fait partie des spécificités de cette religion. C'est-à-dire Allah, il a préservé que le Coran soit modifié, que la Sunna authentique soit s'éteinte par les gens que vous entendez dans les sanad, par les imams que vous entendez dans les chaînes de transmission. Naam. Falihada kana Sheikh Mughbil yuhibbu liman jama'a shay'an min al-ahkam aw min al-ahadith an yadhkur as-sanad. Cheikh Mughbil, il aimait que celui qui regroupe un livre dans, en ce qui concerne des règles juridiques ou quoi, même dans l'aqidah, ou un livre où il y a des hadiths, qu'il n'oublie pas d'évoquer le sanad. Awalan, parce que la personne qui a un peu de science dans le hadith, il peut lui-même chercher si ce hadith-là il est sahih. Wa alaykoum salam. Deuxièmement aussi, c'est pour que chaque personne, c'est en guise de respect pour ces hommes qu'Allah il a choisi et qui sont des causes que la religion elle ne soit parvenue jusqu'à aujourd'hui. Naam. طيب قلنا ماذا طيب تام الضبط que tous les rapporteurs de la chaîne de transmission ils doivent être qualifiés comme étant comme ayant une mémorisation excellente. طيب بعد après Il manque combien là? Il manque combien de shurut? Deux. Hey, naam. Qu'il n'y ait pas de illa, qu'il n'y ait pas de défaut. On a traduit l'illa par le mot défaut. T'as vu? Shudoz, on l'a traduit par quoi? Contradiction. Naam. Contradiction. T'as vu? Par rapport à l'échelle, c'est par rapport à l'échelle. Dans les deux qui se contredisent. Ouais. Quelqu'un qui a appelé l'échelle. Dans la chaîne de transmission, ou a fait du contredit. C'est celui qui a contredit ou c'est celui qui a été contredit qui est l'échelle. Regarde. Là, c'est une bonne question qu'il pose Hamad. Il dit c'est l'avis de qui ou la parole de lequel, duquel qu'on va prendre. Aslan, ça c'est un dars kamel. Il y a une verbe qui s'appelle la chav, dans lequel on va voir ça. Mais là, ce qu'on l'évoque là. Si tout le monde est sur le même avis et il y en a un qui est contradictoire avec tous les autres, c'est que c'est lui qui. Taïb, là, je te donne un exemple. Toi, tu rapportes de Jamel, tamam, qui rapporte de moi, qui rapporte une parole de Shariah. Tamam. Maintenant, on va dire t'as Ahmed qui rapporte de Moussa, qui rapporte de Cheikh Ibn Hizam, qui rapporte de Cheikh Yahya. Moi, ce que j'ai rapporté à vous, c'est que Cheikh Yahya est tombé sur la main droite. Cheikh Ibn Hizam, il rapporte comme quoi Mada, que Cheikh Yahya est tombé sur la main gauche. Là, il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de jama'a avec lui, il y a un groupe avec lui. Taïb, comment tu fais là? Et qui t'avance? Soit qu'il l'a vu directement. Nous deux, on est deux à l'avoir vu. Moi et Cheikh Ibn Hizam. Tamam? On était nous deux à Damaj, on était tous nous deux dans la même delsa. Comment tu fais? Allah Allah. Naam. Là, tu vas prendre de Cheikh Ibn Hizam. Pourquoi? Parce qu'il est ahfad. Sa mémorisation, elle est meilleure que la mienne. Tamam? Fahakada. Pareil pour dans le hadith. Tu trouves que, par exemple, t'as l'imam Ahmed qui dit une parole et un autre, Ibn Al-I'a, qui le contredit. Ibn Al-I'a, ضعيف في الحديث même si c'est un imam dans la sunna. Il est ضعيف في الحديث. Donc on va prendre l'avis de l'imam Ahmed. On va dire هذا شذ به فلان. C'est une contradiction d'un tel. Tamam? Donc la contradiction, elle peut être quelqu'un il contredit quelqu'un qui est plus élevé que lui dans la science. Ou quelqu'un qui contredit un groupe. Par exemple dans l'histoire dans le hadith de Mada de la salade tashahhud, lorsque tu bouges l'index, tamam, c'est venu un hadith où tu bouges l'index, un des rapporteurs du hadith, il évoque que tu bouges l'index, mais tous ceux qui ont rapporté le même hadith du même compagnon, tamam, sauf pas du même rapporteur, ils n'ont jamais évoqué ce rajout, comme quoi tu bouges l'index. فقال العلماء شذ به هذه رواية شاذة. Ils ont évoqué que cette riwaya elle contredit la version d'un groupe parmi les a'imma. فقال بعض أهل العلم أنه لا يحرك السبابة. Et certains savants, ils ont dit comme quoi, en partant de cette chose-là, ils ont dit comme quoi, on ne bouge pas dans le tashahhud, on ne bouge pas l'index. هكذلك ليس كذلك يا أبو عبد الرحمن هكذا حياك الله نعم طيب على كل حال هذا هو طيب هناك مسألة يعني فائدة جميلة كيف يا عثمان كمو تسي كل السند اللي متصل كمو تسي كل la chaîne de transmission elle est pas interrompue. Mais comment tu sais ça toi? Qu'est-ce que tu as? Je te donne un hadith là, je te donne la chaîne de transmission. Est-ce qu'il y a une chaîne de transmission là-dedans? Par rapport aux générations existantes. Hey, bess, Alain, est-ce que tu as fait? انظر عندك حديث تدونا حديثه. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن أبي وقاص ابن وقاص عفوا الليثي يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. طيب لاش تدوني لسند لا طوالة en 2017 1438 de l'Égypte. Comment tu fais pour savoir que le hadith il est sahih, ou comment tu fais pour savoir que le sanad il est muttasil? T'as compris la question? Vous avez tous compris la question? Qu'est-ce que tu fais? Allah a'lam. Man indahu al-khabar. Jamil, Jamil, quand tu vas regarder dans le sanad d'Awalad, les paroles qui sont utilisées. Haddathana Fulan. Fulan m'a enseigné. Un tel m'a enseigné. Tamam. Un tel m'a transmis. Ça c'est direct. Là, tu as compris que lui, il a bien vu un tel et il lui a dit. Ou un tel où j'ai entendu. Naam. Sami'tu Fulan. J'ai entendu un tel dire. Ça, c'est quand... Là, aucune de ces expressions. Par exemple, quand c'est interrompu, ça peut. En fait, c'est pas que quand il n'y a plus une de ces expressions. Laquelle de ces expressions-là, elles montrent le caractère constant, continu de la chaîne de transmission. Tu vois, ces paroles-là, là, elles montrent le caractère constant de la chaîne de transmission. Haddathana, akhbarana. Un tel m'a informé. Lorsque je dis un tel m'a informé, Haroun m'a informé, ça montre bien que j'ai pris la parole de Haroun directement. Tamam. Lakin, lorsque je viens, je dis d'après Haroun, qui m'a dit d'après Sofiane, qui m'a dit d'après Mada, d'après Uthman. Là, on n'est pas sûr que la personne elle a vraiment entendu de Haroun. Parce que d'après, quand tu dis ouais d'après Haroun, ça peut, j'ai pu entendre de quelqu'un qui m'a rapporté de Haroun. Ma foi. Donc, vous notez, يعرف اتصال السند بأمور منها. Donc on reconnaît que la chaîne de transmission est bel et bien liée par certaines choses. La première des choses, تصريح الراوي بالتحديث. Le fait que le rapporteur, il évoque clairement qu'on lui a évoqué le hadith, qu'on lui a parlé du hadith. La première des choses, c'est que le rapporteur, il évoque clairement qu'on lui a parlé du hadith. Tamam. Et la deuxième, si par exemple là, vous avez pas, il n'y a pas de akhbarana, wala haddathana, wala sami'tu. Kef? Allah a'lam. Parce qu'il a été identifié par un savant. Naam. Bitansis ahadu. Bitansis ahadil ulama, ou ahadil a'imma, min ulama al-hadith. La deuxième façon qu'on sait que la chaîne de transmission elle est liée, c'est lorsqu'on a la parole d'un des imams du hadith. Par exemple, là moi j'ai dans une chaîne de transmission, Inch'Allah on termine sur ça, Jibril qui rapporte et qui dit d'après Haroun, d'après Sofiane. Donc là t'as rien comme dans l'expression du rapporteur, t'as rien qui montre que il a bel et bien pris cette parole de Haroun et que Haroun a bel et bien pris cette parole de Sofiane. Alors toi tu vas aller dans les livres de hadith, tu vas voir la parole du savant, par exemple d'un savant du hadith sur Jibril. tu vas voir que parmi les chouyours, parmi les professeurs de Jibril, il y a Harun. Tamam. Si tu vois que parmi mes professeurs il y a Harun, ça veut dire que déjà, alhamdoulilah, yani jusque là c'est salim. Ma foi. Et si tu vois que pareil, ils disent qu'ils évoquent que Sofiane fait partie des chouyours de Harun, khalas, le sanad il est muttasil. Tamam. Il est muttasil par rapport à yani le rapport qu'a fait ou qu'ont fait certains savants parmi les a'immat al-hadith. طيب وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Ça se peut qu'on va, ça se peut qu'il y ait des contradictions. Ça se peut que tu trouves un imam. Moi je te parle de la deuxième classe, il y a un imam qui. Non, ça se peut qu'il y ait un imam qui dise que Fulan il a bien et bien entendu d'un tel. Et un autre qui réfute. Qui réfute le sam', qui réfute que Fulan a entendu d'un tel. Alors à ce moment-là, il se peut qu'on applique la règle que le jarh prévaut sur le ta'dil. Celui qui réfute, et il prévaut sur celui qui. C'est le plus sûr. Enfin. Non. Non.